Chapitre 5e, la Hogra. La veille, l'équipe de football de la ville a remporté un important match. À Grande-Terre, dans le quartier de la Tour A, la victoire fut célébrée comme il faut, c'est-à-dire en laissant la place entre les immeubles jonchés de débris de toutes sortes. Et c'est au Prométhée des immondices de se charger, comme toujours, du nettoyage. Si Lafide, le jeune boulanger, Akli et Rachid le coiffeur. Omar, le marchand de fruits, adossé à sa charrette, les observe avec sa désormais habituelle hostilité. De l'intérieur de son appartement, Zahra regarde, elle aussi, l'action collective, à travers le trou du rideau de la fenêtre donnant sur la place. « Qu'est-ce que tu fais là, toujours, à regarder vers l'extérieur ?» lui lance sa mère, contrariée. Vers elle, Zahra, surprise, se retourne et la regarde avec embarras. Vite, elle se ressaisit. « Je m'ennuie, » se justifie-t-elle. « Alors je regarde la place, » elle ajoute. « Ah, je dois aller au travail. »« Maintenant ?» interroge la mère étonnée. « Oui, j'avais oublié qu'aujourd'hui je devais faire un travail particulier. Lequel ?»« Je n'ai pas le temps de te l'expliquer. Quand je reviendrai... » Sans finir la phrase, elle s'empresse de mettre son voile noir, lui couvrant également le visage, à l'exception des yeux, puis elle sort rapidement. Évitant la place, elle s'engage à droite, vers une rue discrète, derrière l'immeuble. Elle la parcourt rapidement. Parvenue à un coin désert, elle s'immobilise, prend son portable et téléphone. À voix basse, elle raconte à son chef policier l'action en cours sur la place. Une fois la communication terminée, le chef policier demeure très préoccupé, ne sachant quelle réaction s'impose à lui. Quelques minutes après, une voiture de police arrive et s'arrête près des nettoyeurs. Deux agents en uniforme sortent du véhicule et rejoignent le groupe. « Qu'est-ce que c'est que cet attroupement ?» lance le premier, de manière plutôt sévère et menaçante. Les préposés au nettoyage interrompent leur travail, à l'exception de Saïd. Il le poursuit, toujours méticuleux. Silafid considère les deux agents de police. Il en déduit une constatation. Celui qui a parlé est ouvertement autoritaire et antipathique, tandis que le second semble un peu gêné du rôle qu'il joue. Alors, Silafid s'adresse avec calme au policier qui est intervenu. « Ce n'est pas un attroupement. Simplement, comme vous le voyez, nous nettoyons la place. »« C'est son rôle à lui, » rétorque le policier en indiquant Saïd. « Il n'y arrivera pas tout seul, ou alors il faudra toute la journée, même plus. » Aussi nous lui donnons un coup de main. « Vous ne pouvez pas !» affirme le représentant de l'ordre public. Après un bref instant d'étonnement, Silafid reprend, toujours apparemment calme. « Et pourquoi ?»« Parce que c'est son travail à lui, et à personne d'autre. » « Est-il interdit de l'aider ?» Le policier s'énerve. « J'ai dit que c'est son travail, est-ce clair ?» Conservant son sang-froid, Silafid répète. « J'ai demandé si l'aider est interdit. Je suis chargé d'exécuter un ordre. » Coupe sec l'agent. « Un ordre ?» demande Silafid, tout à fait surpris. « Oui. De qui ?» Bien que nettement moins âgé que Silafid, l'agent se comporte d'une manière arrogante, à la limite du convenable. « Cela ne te regarde pas, » affirme-t-il. « Un ordre me concernant me regarde toujours. »« Eh bien, » intervient Karim, très énervé, « moi je continue à aider au nettoyage. » Il se met aussitôt au travail. Pris au dépourvu, les deux policiers échangent un regard pour savoir quoi faire. Silafid, Akli et Rachid les observent. L'agent qui a parlé jusqu'à présent réfléchit, puis déclare. « D'accord, un seul peut l'aider. Les trois autres, retournez chez vous. » Les interpellés ne bougent pas. Ils détournent leurs yeux des policiers et se consultent des yeux pour prendre une décision. « Allons boire quelque chose au bar, » propose Silafid au coiffeur et au boulanger. Ils s'éloignent lentement. Une fois les policiers partis, Silafid et ses deux amis reviennent. En riant, ils reprennent leur collaboration avec Saïd et Karim. Des passants leur jettent des regards, les uns surpris et contrariés, d'autres plutôt satisfaits. Quant au marchand de fruits, il s'assoit sur le bord du trottoir près de sa charrette et observe la scène, hochant la tête avec un rictus irrité. Le soir, Karim est au paradis. Il demande à Silafid « Pourquoi as-tu décidé de ne pas continuer le nettoyage quand les policiers étaient présents ?» Ce dernier prévoyait la question, aussi répond-il immédiatement. Quand le vent est trop fort, le roseau se plie pour ne pas se briser. Il sait que l'inconvénient passé, il reprendra sa forme. Ou, pour employer un exemple plus adéquat, nous avons tenté d'ouvrir une porte. Elle s'est un peu entrouverte, mais quelqu'un nous a empêchés de l'ouvrir complètement. Cela montre que nous devons trouver la solution pour l'élimination de la malédiction qui pèse sur le peuple. Laogra. Laogra étant un terme populaire employé pour désigner toute forme d'arbitraire humiliant de la part de puissants, notamment les représentants de l'autorité étatique.